Mi si fa il cane uguale. Quella poi. Déjà là? Je suis en retard. Discussion. Vous en faites des gaz. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse.